l'hiver est déjà arrivé. J'ai entreposé les fleurs printanières de l'automne et oublié l'été sur le reposoir des dunes. À l'ombre de mes amours sur la balançoire, le papillon s'en est allé à la lumière. En soi, les âges se succèdent au fil des solstices et des équinoxes, battant la mesure du grand monde. Le temps passe comme un oiseau au ciel, et je déroule le film de mes pensées. L'hiver est déjà arrivé, le livre est posé sur la table, plus rien est à faire désormais, alors j'accours, comme d'habitude, pour atteindre la prochaine saison. Celle où je me dévoilerai davantage, celle où tout renaîtra en nous.